Gilles m'assoit. La promesse est une dette. Lorraine et Yannick. Canon. Ali m'assoit. Yasmine m'assoit. Divine m'assoit. Mariam m'assoit. Lama enceinte. Moutoto Wangombe. Fidèle m'assoit. Mère Nenem Zaya. Vieille Emmanuel Abrazaville. DJ Socrate. Osiris. Akobo. Général GT. Jenny Kamara. Moussa. Niagado. Archevêque Lobobo. Yéba qui est patient, ça s'aligne. Neko ya maman naï. Ya mon azo comporte mana yéa cause la ko. Balo ba ta meilleur ami à moi si et salaka bongo. Je t'assure que nana za exceptionnel. J'ai te dédié ma première phrase d'amour. Qui est je t'aime pour te prouver combien à l'imago. Nino à pointe noire. Mota mana naï salaka na posa kola na yo. Amina Tamasha, Motema nana esali, Beto Kimo na yo, Postetika li vide, Bangungi vazami bile, Berfani, Musika epa esali, Nebate bulima na yo, Mamana Ami, Esalema ponana maswa, Romi Oyo, Leandre Kaba, Sadam Isen Rami Amisi, Josephine Maswa, Bolingo na yo e shanjanga e kolo na koma kwe matango neso na lunga mumbala na koma musika na Jinsa na kifu Sake na mula koteka anile nanga ya lopo kwa muasie Kona zwa lisusu lika nisite ya kobana na Jambo kuku Carlos Mpinateli Makenda Jose Dikila Mote manana e zali Betwa bolingo na yo Postetika li vide Bangungi basangi bilei Musika epayo zali Yebake bolimo na yo Esale mapona na maswa Papika ke la foudre Sambushana Place 256 Charlie Lapage Pierre Petit Adelanie Christia Wami Mukengi Jo Tambani Maria da Silva Couple Ideal Nenef Mabaya Tai Olympique, Yanni Mambik Impresario, Kajo Malwa, Magali Talo, Mwasi Mokonzi, Dore Milungi, Amede Isombo, Les Sénateurs. Fanny sur la boutique Fanel, José Dikila. Magi anam Mosika na yo na zafashi Na zoko kali susu te Kobane la bolingwe pa mosusu Pagope na na infidel Arbitra tangi balo Pa remarke absence na yo na katia Terren yango ba manda bate nga ba bebele Napoli 3-0 Jilma so mache sili Jibril Yamafulu Titika e d'affaires de millions Nadege Bianchi Lucien Issa Kalouke J'ai crié toute la nuit Ma voix c'est ma Patrick Abizima Sokyo Saraki Pene Nangai Masombele Namona Kimostete Angelou Nangai Apolimo Pene Nayona Sassan Souci Fidélité Amen Me Proui Nangoye Salaka Delicie Nazo Sela Touchou Patrick Kiala Papi Mayongo Clarisse Mokori Bébé Touloma, petit papa London. Je crie trop la minute, maman se va pour la maman Koyae. La bengi prosiluya, abona yekoyae. La bengi tombaka bumbayi, abona yekozona. Ajalou la maya polimo, pene na yona sasa souci, na zoze la touchou. Raja Bundwani. Baoyo bakanisa kabuli mwizala kate bakosana bangoe Koe kweli nae sanini Doto nange koma ya sanuku Sala bango sove ngati Trezor kitemoko Jujun Tumbay Osika kune payo sanini Kwa sana kakose la yo Jipe mingya Kwa sana kakose la yo nango bala tenga na kokubanga yo barenga yo mimisinga yo mama ya matande yeme yeli tembi nimbongo taratanga na zimanda pokona magini mato yo bolinga bolinga tuja zala zazena yo na mana no no bino mukini betino bindele na mana no no no no no no bigel wimba kuda mo Papa Yusuf Honorable Alpha Bokole. Dala na sofu papo na jile maswa. Ben Muyamba. Motema na mama obimba na pesa na yo. Olingi yo salanga nini bulingo na weza na motema. Tuna mamasa na yo bakolo banenge na nima kayo. Mamiki Boki. Kereke mbutu wa jelose mandi oya mesiola. Abede maketi. Alain Bwabwa, chronologie. Blanchard Mabanda, Lipasa Bambongo millionnaire, Docteur Bohondo, Ichu Masinda, l'encadreur de jeunes, Ete Matovasi, Edith Ganga le Brissolois.